tous et vous toutes, voici le retour avec l'émission Musidance jusqu'à 17h avec les chansons que vous connaissez tous dans les années 80-90. Voilà, donc juste un instant, on a pu entendre Jazz d'Avour avec Ma Bohème. Voilà aussi, j'espère que vous avez pu commencer une bonne semaine, tout simplement, et puis aussi une très bonne matinée. Voilà donc, je vous laisse avec les chansons, tout simplement, avec Mike Brandt, le titre, tout simplement, Dis-lui. Et puis juste après, ce sera Laurent Voulzy. Fais ça pour moi, dis-lui. Que les jours sans elle me semblent moins longs. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que j'ai. ce soir, je ne dors pas. Dans un mégalo, moi je suis le trop.

la vie en rose avec Céline Dion. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.

qui s'appelle le titre La Panama Blanca avec Erika et ses discours. Et puis juste après, on écoutera tout simplement du Soca Dance avec d'autres chansons différentes. Des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young

Voici donc qui s'appelle Tout simplement Chantal Bouya. Allons tout simplement chanter avec Mickey. Et puis juste après, on écoutera Alain Delon. Je connais un pays au ciel toujours bleu, fantastique et magique, inventé par un magicien merveilleux. Avec joyeux des nains merveilleux. Emmène-nous Marie-Rose, écoute Marie-Rose, voilà le temps de s'embrouiller. Je vois la fée Carabosse, mais l'heure est si proche qu'il faut revenir à la maison. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec Dumbledore, l'éléphant qui s'envole, avec Clochette, avec Freddy, avec Pluto, avec Bambi. On en verra de toutes les couleurs au pays du bonheur. Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy, avec Dumbledore, l'éléphant qui s'envole, avec Clochette, avec Wendy, avec Pluto, avec Bambi. On en a vu de toutes les couleurs au pays du bonheur. On en a vu de toutes les couleurs au pays du jamais ressembler à ces critiques.

live for the day, for the way it should be. There once was a time, had you here by my side. You said I wasn't your kind, only here for the ride. Everybody know what's good, but some gon' hate what's new. We just just do our thing, no time to waste. Always play it cool. And at the end of the night, when the lights go out, when we turn down, oh no, we won't. We ain't never turn down. We ain't never turn down. And when you try to make us leave, we turn and say we're never going home. And you know just what I wanna do. Se quema d'amore, quando se inmala su vela, quando se inmala dolore, quando se inmala dolore, quando se quema dolore, quando se inmala su vela, quando se inmala amore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, esta rumba tan gitana. Siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré. Se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra. Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Arc-en-ciel. Voici donc pile ou face avec Corinne Charby. Et juste après, on écoutera Magazine 60. Sancho Panza no están aquí. no, no, no, no, no, no, no, señor. Quijote y Sancho Panza. Son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots, aussitôt il oublie. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne les vieux. Encore et toujours. connaît le bureau du bonheur, ne quittez pas. Voici donc Dorothée. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. C'est arrivé hier matin, avant cela tout allait bien. Je me promenais dans la rue, quand soudain il a disparu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, on s'entendait bien lui et moi. Il est parti sans prévenir, sans rien dire. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. Wow, wow, wow, wow. J'ai attendu toute la nuit, mais il était vraiment mon dernier recours. Je vous promets de vous donner tous les indices, toutes les données. Il faut vraiment que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, ne cherchez surtout plus, j'ai retrouvé mon cœur. C'est un garçon au sourire en jaune qui l'avait emporté en passant par. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem! Pau que nasce todo, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan. A gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan. Seu gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. E seu gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela

Diz ela também que tem direito a experimentar. Coitada, que ia ser genro ou nora dela. Coitada da velha, no que havia de pensar, perdeu o juízo, diz ela que vai casar. Oh, tia Francisca, não pense em casar, diz ela também, tem direito a experimentar. Coitada da velha, on écoutera des chansons de country. Já são muitos anos a cantar em português, a fazer cantigas totalmente para vocês, pelo país fora e também além fronteiras, umas mais para o sério e outras para a brincadeira. Umas mais para o sério e outras para a brincadeira. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, cantem comigo esta canção. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, cantem comigo esta canção. Porque a canção popular é património nacional. Porque a canção popular é património nacional. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, cantem comigo esta canção. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, outras para a brincadeira. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, cantem comigo esta canção. Eu sempre disse, sempre disse, sempre disse, cantar em português é muito fixe. Ora pois claro, ora pois então, cantem comigo esta canção. falar. Sim, amor, como tens passado? Tenho perguntado a outros por ti. Não tens aparecido, eu tenho sofrido, mas estou aqui. Alô, está lá, diz-me por favor, se ainda me amas, porque não me chamas de safado querido? Sabes, meu amor, achar-te melhor do que andar perdido. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Chega de castigo, dá-me o teu perdão. Quero o teu sorriso, que tanto preciso para trás solidão. Alô, está lá, diz-me por favor, que ainda me amas, porque não me chamas de safado querido? Sabes, meu amor, achar-te melhor do que andar perdido. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. And the gravy mixed with soul, when the king of country music met the queen of rock and roll. A big rock concert at the Hollywood Bowl. And later on that evening, at a cafe on the strip, the king of country music met the queen of rock and roll. And he said, baby, won't you try just a little bit country? She said, honey, you've got to get down, down, down, down, down, down, baby. Dang stage. Now she's singing in the kitchen while he sings. téléphone tout simplement et juste après on écoutera du rap. L'amour est une épreuve et nous en étions la preuve. Je fus la cause des plus chanteur et toi la muse, les plus belles œuvres. Je le faisais pour nous, ni classe célébrité. J'ai pris la route, j'ai chanté tout l'été. À mon retour, j'avais plus qui t'étais. T'as changé dans les doigts, t'as notre humanité. Là, je parle pour toi, je me négo dans le tech. Si t'as trouvé le bonheur avec une femme qui t'aime, prends soin d'elle et fais en sorte qu'elle reste. Parce que ça blesse, j'étais là pour elle, mon négo. J'étais là pour elle. Les branches c'est un chat, c'était pas à cause de mon boulot. Des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Comme Karine et Oxmo Puccino, j'avoue que t'es pas toujours été réglo. J'ai joué, j'ai perdu comme au casino. Elle est mignonne, mais je l'aime toujours. Seule dans mon lit, j'attends son retour. Laisse-moi dans l'esprit d'un autre. Je fais ton noir et blanc comme un piano. Au fond, tu n'as pas ce qu'un bat Pacino. J'étais là pour elle, mon ego. T'es là pour elle. Les forces, c'est un chance, c'était pas à cause de mon boulot. C'était à cause de mon boulot. Moi, j'ai roulé juste ensemble et mes fleurs de rose. À l'heure où tu m'écoutes, elle baisse sur moi avec un os. Elle baisse sur moi avec un os. Et ça, ça plaît, ça laisse des douleurs à la domaine. Elle m'a laissé seule face à moi-même. Je sais que toi l'oubliais, je te jure. Mais ça n'est pas la même, ça laisse des douleurs à la domaine. Elle m'a laissé seule face à moi-même. Je sais que toi l'oubliais, je te jure. J'essaye avec les autres, mais ça n'est pas la même. C'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est ton pouce, je fais. On passe en bas, je fais le travail. On passe en bas, il va me tuer. Ce soir, ton jarre, elle va sur le bail. Ce soir, ton jarre, elle va sur le bail. Ce soir, ton jarre. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música, la mía. Alguien hay más soberana que a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. No te dura tu drogo. No te chica el fuego. Evitamos ya comprar los shows. Si tú te compras, si tú mueras, morir. Quédate en esquina, con el espero que bailas.